Chapitre 4 du livre 6 de Notre-Dame de Paris. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Notre-Dame de Paris par Victor Hugo. Livre 6, chapitre 4. Une larme pour une goutte d'eau. Ces paroles étaient, pour ainsi dire, le point de jonction des deux scènes qui s'étaient jusque-là développées parallèlement dans le même moment, chacune sur son théâtre particulier. L'une, celle qu'on vient de lire, dans le trou au rat, l'autre, qu'on va lire, sur l'échelle du pilori. La première n'avait eu, pour témoin, que les trois femmes avec lesquelles le lecteur vient de faire connaissance. La seconde avait eu pour spectateur tout le public que nous avons vu plus haut s'amasser sur la place de Grève, autour du pilori et du gibet. Cette foule, à laquelle les quatre sergents, qui s'étaient postés dès 9 heures du matin aux quatre coins du pilori, avaient fait espérer une exécution telle quelle, non pas sans doute une pendaison, mais un fouet, un essorillement, quelque chose enfin. Cette foule s'était si rapidement accrue que les quatre sergents, investis de trop près, avaient eu plus d'une fois besoin de la serrer, comme on disait alors à grands coups de boulaille et de croupe de cheval. Cette populace, disciplinée à l'attente des exécutions publiques, ne manifestait pas trop d'impatience. Elle se divertissait à regarder le pilori, espèce de monument fort simple, composé d'un cube de maçonnerie de quelque 10 pieds de haut, creux à l'intérieur. Un degré fort raide en pierre butte, qu'on appelait par excellence l'échelle, conduisait à la plateforme supérieure, sur laquelle on apercevait une roue horizontale en bois de chêne plein. On liait le patient sur cette roue, à genoux et les bras derrière le dos. Une tige en charpente, que mettait en mouvement un cabestan caché dans l'intérieur du petit édifice, imprimait une rotation à la roue, toujours maintenue dans le plan horizontal, et présentait de cette façon la face du condamné successivement à tous les points de la place. C'est ce qu'on appelait tourner un criminel. Comme on voit, le pilori de la Grève était loin d'offrir toutes les récréations du pilori des Halles. Rien d'architectural, rien de monumental, pas de toit à croix de fer, pas de lanterne octogone, pas de frêle colonnette allant s'épanouir au bord du toit en chapiteaux d'acanthe et de fleurs, pas de gouttière chimérique et monstrueuse, pas de charpente ciselée, pas de fine sculpture profondément fouillée dans la pierre. Il fallait se contenter de ces quatre pans de moellon avec deux contre-cœurs de grès et d'un méchant gibet de pierre, maigre et nu, à côté. Le régal eût été mesquin pour des amateurs d'architecture gothique. Il est vrai que rien n'était moins curieux de monuments que les braves badauds du Moyen-Âge et qu'ils se souciaient médiocrement de la beauté d'un pilori. Le patient arriva enfin, lié au cul d'une charrette. Et quand il eut été hissé sur la plateforme, quand on put le voir de tous les points de la place ficelé à cordes et à courroies sur la roue du pilori, une huée prodigieuse mêlée de rires et d'acclamations éclata dans la place. On avait reconnu Quasimodo. C'était lui en effet. Le retour était étrange. Pilorié sur cette même place où la veille il avait été salué, acclamé et conclamé pape et prince des fous, en cortège du duc d'Égypte, du roi de Thunes et de l'empereur de Galilée. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'il n'y avait pas un esprit dans la foule, pas même lui, tour à tour le triomphant et le patient, qui dégageait nettement ce rapprochement dans sa pensée. Gringoire et sa philosophie manquaient à ce spectacle. Bientôt, Michel Noiret, trompette jurée du roi, notre sire, fit faire silence au menant et cria l'arrêt, suivant l'ordonnance et commandement de monsieur le prévôt. Puis il se replia derrière la charrette avec ses gens en hoquetons de livrée. Quasimodo, impassible, ne sourcillait pas. Toute résistance lui était rendue impossible par ce qu'on appelait alors, en style de chancellerie criminelle, la véhémence et la fermeté des attaches. Ce qui veut dire que les lanières et les chaînettes lui entraient probablement dans la chair. C'est au reste une tradition de geôle et de chiourme qui ne s'est pas perdue et que les menottes conservent encore précieusement parmi nous, peuple civilisé, doux, humain, le bagne et la guillotine entre parenthèses. Il s'était laissé mener et pousser, porter, jucher, lier et relier. On ne pouvait rien deviner sur sa physionomie qu'un étonnement de sauvage ou d'idiot. On le savait sourd, on l'eût dit aveugle. On le mit à genoux sur la planche circulaire. Il s'y laissa mettre. On le dépouilla de chemise et de pourpoint jusqu'à la ceinture. Il se laissa faire. On l'enchevêtra sous un nouveau système de courroies et d'ardillons. Il se laissa boucler et ficeler. Seulement, de temps à autre, il soufflait bruyamment, comme un veau dont la tête pend et ballotte au rebord de la charrette du boucher. « Le butor !» dit Jean Frollo du Moulin à son ami Robin Poussepain, car les deux écoliers avaient suivi le patient comme de raison. « Il ne comprend pas plus qu'un hanneton enfermé dans une boîte !» Ce fut un fou rire dans la foule quand on vit nu la bosse de Quasimodo, sa poitrine de chameau, ses épaules calleuses et velues. Pendant toute cette gaieté, un homme à la livrée de la ville, de courte taille et de robuste mine, monta sur la plateforme et vint se placer près du patient. Son nom circula bien vite dans l'assistance. C'était Maître Pierrat Torterue, tourmenteur juré du Châtelet. Il commença par déposer sur un angle du pilori un sablier noir dont la capsule supérieure était pleine de sable rouge qu'elle laissait fuir dans le récipient inférieur. Puis il ôta son surtout, mi-parti. Et l'on vit pendre à sa main droite un fouet mince et effilé de longues lanières blanches, luisantes, noueuses, tressées, armées d'ongles de métal. De la main gauche, il repliait négligemment sa chemise autour de son bras droit jusqu'à l'aisselle. Cependant, Jean Frollo criait en élevant sa tête blonde et frisée au-dessus de la foule. Il était monté pour cela sur les épaules de Robin Poussepain. « Venez voir, messieurs, mesdames, voici qu'on va flageller préemptoirement Maître Quasimodo, le sonneur de mon frère Monsieur l'archidiacre de Josa, un drôle d'architecture orientale, qui a le dos en dôme et les jambes en colonne torse. » Et la foule, de rire, surtout les enfants et les jeunes filles. Enfin, le tourmenteur frappa du pied. La roue se mit à tourner. Quasimodo chancela sous ses liens. La stupeur qui se peignit brusquement sur son visage difforme fit redoubler alentour les éclats de rire. Tout à coup, au moment où la roue, dans sa révolution, présenta à Maître Pierrat le dos montueux de Quasimodo, Maître Pierrat leva le bras. Les fines lanières sifflèrent aigrement dans l'air, comme une poignée de couleuvres, et retombèrent avec furie sur les épaules du misérable. Quasimodo sauta sur lui-même, comme réveillé en sursaut. Il commençait à comprendre. Il se tordit dans ses liens. Une violente contraction de surprise et de douleur décomposa les muscles de sa face. Mais il ne jeta pas un soupir. Seulement, il tourna la tête en arrière, à droite, puis à gauche, en la balançant comme fait un taureau piqué au flanc par un thon. Un second coup suivit le premier, puis un troisième. Et un autre, et toujours. La roue ne cessait pas de tourner, ni les coups de pleuvoir. Bientôt le sang jaillit. On le vit ruisseler parmi le filet sur les noires épaules du bossu, et les grêles lanières, dans leur rotation qui déchirait l'air, l'éparpillaient en gouttes dans la foule. Quasimodo avait repris, en apparence du moins, son impassibilité première. Il avait essayé d'abord sourdement et sans grande secousse extérieure de rompre ses liens. On avait vu son œil s'allumer, ses muscles se raidir, ses membres se ramasser et les courroies et les chaînettes se tendre. L'effort était puissant, prodigieux, désespéré. Mais les vieilles gênes de la prévôté résistèrent. Elles craquèrent et voilà tout. Quasimodo retomba épuisé. La stupeur fit place sur ses traits à un sentiment d'amer et profond découragement. Il ferma son œil unique, laissa tomber sa tête sur sa poitrine et fit le mort. Dès lors, il ne bougea plus. Rien ne put lui arracher un mouvement. Ni son sang qui ne cessait de couler, ni les coups qui redoublaient de furie, ni la colère du tourmenteur qui s'excitait lui-même et s'enivrait de l'exécution, ni le bruit des horribles lanières plus acérées et plus sifflantes que des pattes de bigaille. Enfin, un huissier du Châtelet, vêtu de noir, monté sur un cheval noir, en station à côté de l'échelle depuis le commencement de l'exécution, étendit sa baguette d'ébène vers le sablier. Le tourmenteur s'arrêta. La roue s'arrêta. L'œil de Quasimodo se rouvrit lentement. La flagellation était finie. Deux valets du tourmenteur juré lavèrent les épaules saignantes du patient. Les frottèrent de je ne sais quel onguent qui ferma sur le champ toutes les plaies, et lui jetèrent sur le dos une sorte de pagne jaune taillée en chasuble. Cependant, Pierrat Tortereux faisait dégoutter sur le pavé les lanières rouges égorgées de sang. Tout n'était pas fini pour Quasimodo. Il lui restait encore à subir cette heure de pilori que maître Florian Barbedienne avait si judicieusement ajoutée à la sentence de messire Robert d'Estouteville. Le tout à la plus grande gloire du vieux jeu de mots physiologiques et psychologiques de Jean de Cumène. Sourdus absurdus. Note. Le sourd est absurde. Fin de la note. On retourna donc le sablier, et on laissa le bossu attaché sur la planche pour que justice fût faite jusqu'au bout. Le peuple, au Moyen-Âge surtout, est dans la société ce qu'est l'enfant dans la famille. Tant qu'il reste dans cet état d'ignorance première, de minorité morale et intellectuelle, on peut dire de lui comme de l'enfant. Cet âge est sans pitié. Nous avons déjà fait voir que Quasimodo était généralement haï, pour plus d'une bonne raison. Il est vrai. Il y avait à peine un spectateur dans cette foule qui n'eut ou ne crut avoir sujet de se plaindre du mauvais bossu de Notre-Dame. La joie avait été universelle de le voir paraître au pilori, et la rude exécution qu'il venait de subir et la piteuse posture où elle l'avait laissé, loin d'attendrir la populace, avait rendu sa haine plus méchante en l'armant d'une pointe de gaieté. Aussi, une fois la vindicte publique satisfaite, comme jargonnent encore aujourd'hui les bonnets carrés, ce fut le tour des mille vengeances particulières. Ici, comme dans la grande salle, les femmes surtout éclataient. Toutes lui gardaient quelque rancune. Les unes de sa malice, les autres de sa laideur. Les premières étaient les plus furieuses. « Ah, masque de l'Antéchrist !» disait l'une. « Chevaucheur de manche à balai !» criait l'autre. « La belle grimace tragique !» hurlait une troisième. « Et qui te ferait pape des fous si c'était aujourd'hui hier ?»« Ce qui est bon, » reprenait une vieille, « voilà la grimace du pilori. À quand celle du gibet ? Quand seras-tu coiffé de ta grosse cloche à 100 pieds sous terre, maudit sonneur ? C'est pourtant ce diable qui sonne l'angélu. Oh, le sourd, le borgne, le bossu, le monstre ! Figure à faire avorter une grossesse mieux que toute médecine et pharmaque. » Et les deux écoliers, Jean Dumoulin, Robin Poussepain, chantaient à tue-tête le vieux refrain populaire. « Une hare pour le pandard, un fagot pour le magot !» Mille autres injures pleuvaient, et les huées, et les imprécations, et les rires, et les pierres çà et là. Quasimodo était sourd, mais il voyait clair, et la fureur publique n'était pas moins énergiquement peinte sur les visages que dans les paroles. D'ailleurs, les coups de pierre expliquaient les éclats de rire. Il tint bon d'abord. Mais peu à peu, cette patience, qui s'était raidie sous le fouet du tourmenteur, fléchit et lâcha pied à toutes ces piqûres d'insectes. Le bœuf des Asturies, qui s'est peu ému des attaques du picador, s'irrite des chiens et des banderilles. Il promena d'abord lentement un regard de menace sur la foule. Mais garrotté comme il était, son regard fut impuissant à chasser ces mouches qui mordaient sa plaie. Alors il agita ses entraves, et ses soubresauts furieux firent crier sur ses ais la vieille roue du pilori. De tout cela, les dérisions et les huées s'accrurent. Alors le misérable, ne pouvant briser son collier de bête fauve enchaînée, redevint tranquille. Seulement par intervalle, un soupir de rage soulevait toutes les cavités de sa poitrine. Il n'y avait sur son visage ni honte ni rougeur. Il était trop loin de l'état de société et trop près de l'état de nature pour savoir ce que c'est que la honte. D'ailleurs, à ce point de difformité, l'infamie est-elle chose sensible? Mais la colère, la haine, le désespoir abaissaient lentement sur ce visage hideux un nuage de plus en plus sombre et de plus en plus chargé d'une électricité qui éclatait en mille éclairs dans l'œil du cyclope. Cependant, ce nuage s'éclaircit un moment au passage d'une mule qui traversait la foule et qui portait un prêtre. Du plus loin qu'il aperçut cette mule et ce prêtre, le visage du pauvre patient s'adoucit. À la fureur qui le contractait succéda un sourire étrange, plein d'une douceur, d'une mansuétude, d'une tendresse ineffable. À mesure que le prêtre approchait, ce sourire devenait plus net, plus distinct, plus radieux. C'était comme la venue d'un sauveur que le malheureux saluait. Toutefois, au moment où la mule fut assez près du pilori pour que son cavalier pût reconnaître le patient, le prêtre baissa les yeux, rebroussa brusquement chemin, piqua des deux comme s'il avait eu hâte de se débarrasser de réclamations humiliantes et fort peu de souci d'être salué et reconnu d'un pauvre diable en pareille posture. Ce prêtre était l'archidiacre Dom Claude Frollo. Le nuage retomba plus sombre sur le front de Quasimodo. Le sourire s'y mêla encore quelque temps, mais amer, découragé, profondément triste. Le temps s'écoulait. Il était là depuis une heure et demie au moins, déchiré, maltraité, moqué sans relâche et presque lapidé. Tout à coup, il s'agita de nouveau dans ses chaînes, avec un redoublement de désespoir dont trembla toute la charpente qui le portait. Et rompant le silence qu'il avait obstinément gardé jusqu'alors, il cria, avec une voix rauque et furieuse, qui ressemblait plutôt à un aboiement qu'à un cri humain, et qui couvrit le bruit des huées, « À boire !» Cette exclamation de détresse, loin d'émouvoir les compassions, fit un surcroît d'amusement au bon populaire parisien qui entourait l'échelle, et qui, il faut le dire, prise en masse et comme multitude, n'était alors guère moins cruelle et moins abrutie que cette horrible tribu des truands chez laquelle nous avons déjà mené le lecteur et qui était tout simplement la couche la plus inférieure du peuple. Pas une voix ne s'éleva autour du malheureux patient, si ce n'est pour lui faire raillerie de sa soif. Il est certain qu'en ce moment, il était grotesque et repoussant, plus encore que pitoyable, avec sa face empourprée et ruisselante, son œil égaré, sa bouche écumante de colère et de souffrance, et sa langue à demi tirée. Il faut dire encore que, se fût-il trouvé dans la cohue quelque bon âme charitable de bourgeois ou de bourgeoise qui eût été tenté d'apporter un verre d'eau à cette misérable créature en peine, il régnait autour des marches infâmes du pilori un tel préjugé de honte et d'ignominie qu'il eût suffi pour repousser le bon samaritain. Au bout de quelques minutes, Quasimodo promena sur la foule un regard désespéré et répéta d'une voix plus déchirante encore « À boire !» Et tous, de rire. « Bois ceci !» cria Robin Poussepain en lui jetant par la face une éponge traînée dans le ruisseau. « Tiens, vilain sourd, je suis ton débiteur !» Une femme lui lançait une pierre à la tête. « Voilà qui t'apprendra à nous réveiller de la nuit avec ton carillon de damné !»« Eh bien, fils !» hurlait un perclus en faisant effort pour l'atteindre de sa béquille. « Nous jetteras-tu encore des sorts du haut des tours de Notre-Dame ? Voici une écuelle pour boire !» reprenait un homme en lui décochant dans la poitrine une cruche cassée. « C'est toi qui, rien qu'en passant devant elle, a fait accoucher ma femme d'un enfant à deux têtes. Et ma chatte d'un chat à six pattes.